Bonjour, ici Valérie Levé et Marianne Fallard de côté. Vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. À 18h ce soir, nous ferons un grand saut dans l'espace pour partir en croisière au large des exoplanètes avec l'astrophysicien Jean-René Roy. Mais pour le moment, nous allons plutôt prendre le chemin de l'Arctique et c'est Marianne Fallard de côté qui va nous y emmener. Je suis en effet très contente d'accueillir Marianne comme animatrice dans l'équipe de Futur Simple à mes côtés. Bonjour Marianne. Bonjour Valérie. Alors Marianne, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis chercheuse postdoctorale à l'Université Laval dans la chaire de recherche littorale. Et dans la chaire littorale, je travaille sur la santé des écosystèmes marins et des pêcheries et puis de leur importance pour les communautés inuites dans le Grand Nord. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler au cours d'une future entrevue, mais pour le moment, eh bien, donc, au début du mois d'octobre, j'avais reçu à l'émission Jean-Éric Tremblay, qui est directeur scientifique de l'Institut Nordique du Québec. C'était en quelque sorte l'introduction d'une série d'entrevues sur les recherches de cet Institut Nordique. Et ce soir, Marianne, c'est toi qui prends le relais, donc tu prends le rôle de l'animatrice. Et donc, de quoi tu vas nous parler et tu es avec qui? Oui, alors ce soir, on va parler de forêts de laminaires et de plongées sous-marines en Arctique. Je suis en compagnie de Kashif Miranda, doctorant dans les laboratoires de Philippe Archambault et Ladd Johnson à l'Université Laval, dont le projet porte sur les ressources halieutiques dans le Nord, y compris les laminaires. Bonjour Kashif et merci d'être avec nous. Bonjour Marianne, merci pour l'invitation. On est très heureuse de t'avoir ce soir. Pour mettre nos auditrices et auditeurs dans le contexte de ta recherche, on va commencer par une question très globale. C'est quoi des laminaires et pourquoi c'est important? Les laminaires sont un peu comme les plantes terrestres, en termes qu'ils prennent l'énergie du soleil et ils grandissent. Et sur les côtes est, ouest, partout dans les océans, il y a des laminaires qui font un peu comme des forêts partout. Et les forêts sont importantes pour les écosystèmes-là parce qu'ils font les maisons pour les petits poissons et qui sont la base des grands réseaux d'alimentation. Et aussi, il prend beaucoup de carbone de l'atmosphère, donc comme nous parlons de l'importance de la forêt d'Amazon, c'est aussi important de parler des forêts des algues qui vivent sur notre côte. Et les algues sont partout, c'est comme le Saint-Laurent, à Rimouski, à l'île d'Anticosti, nous pouvons les trouver et aussi nous commençons à travailler dans le nord, dans l'Arctique, à Nunavut et à Nunavik, et nous croyons que là-bas, il y a une grande quantité des algues, mais qui ne sont pas vraiment connues. Wow! Donc, c'est comme des énormes forêts d'algues, très méconnues, en fait, de la plupart des gens, parce qu'on parle, comme tu l'as dit, énormément de la forêt amazonienne, mais on a quand même aussi des poumons de la terre dans nos océans, au Québec, dans le Saint-Laurent, au Nunavik, puis toi, tu as la chance d'étudier ce poumon de la Terre qui est très méconnu et qui est si important justement pour capturer du carbone qu'on a trop dans l'atmosphère en ce moment à cause des émissions de gaz à effet de serre là, qui sont très élevées actuellement, comme les auditeurs doivent le savoir. Oui, c'est une parfaite sommaire de l'importance des algues dans le monde. Et donc, c'est important pour le cyclisme de carbone partout, mais aussi important pour l'alimentation. Nous connaissons que les cultures japonaises ou coréennes, par exemple, ils mangent beaucoup des algues comme le nori. Mais aussi dans le nord, les Inuits en Gava Bay et aussi dans le Nunavut, ils aussi mangent les algues. Et leur culture est liée avec le processus de collecter les algues et manger, préparer des algues avec les autres affaires qu'ils trouvent là. C'est tellement étonnant. C'est pas un mets qu'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes, des algues qui viennent du Nunavik. Mais peux-tu nous en dire plus sur ces grands projets-là qui étudient justement cette nourriture locale qu'il y a au Nunavik? Oui, oui. Donc, notre projet, il s'appelle Tinini Muitaik, qui s'agit des ressources alimentaires que les Inuits peuvent trouver dans la zone interstitale, qui est la zone entre le Mario et Mariba. Et quand c'est la pleine lune, les Inuits peuvent marcher et trouver les algues, trouver les moules. Et les algues, les moules, et il y a des autres petits invertébrés comportent cette classification, Trinimuité. Donc, nous sommes là pour étudier les différentes perspectives de cette ressource. Parce que nous connaissons que c'est pas comme juste aller dans le marché et acheter un plat et rentrer chez toi et manger. Avec les Inuits, c'est plus lié au leur système social, l'économie là-bas et aussi avec l'alimentation. Donc notre projet, c'est nous avons des équipes qui travaillent sur la valeur nutritive, l'économie, l'anthropologie. Et moi, dans le labo de Philippe Archambault et LAD, je travaille avec mon collègue Marcel Velasquez et nous travaillons sur l'écologie des moules et des algues. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas vraiment connu dans le Nord. Et c'est important de poser des questions vraiment fondamentales comme c'est quoi la croissance, les taux de croissance, c'est quoi le substrat préféré et quelles sont les conditions que les algues ont besoin pour vivre là. Puis par substrat, dans le fond, on parle par exemple des roches ou du sable ou de la terre glaise dans laquelle ces algues-là pousse. Et puis, par substrat, c'est important de comprendre, par exemple, quel type de sol marin est préférable pour la poussée de ces algues-là. Donc, toi, dans le cadre de ton doctorat que tu as commencé en 2021, tu étudies ce genre de conditions-là de croissance qui viennent maximiser la quantité d'algues qui peuvent pousser et, ultimement, peuvent servir de nourriture là, pour les communautés inuites dans le Nord. Exactement, oui. Donc, nous travaillons avec des drones et des satellites parce que les régions que nous étudions, c'est vraiment large. Donc, pour poser ces questions et répondre à ces questions, comme le type de substrat, c'est quoi la quantité des roches que les algues préfèrent? Et après ça, c'est quoi les conséquences de la croissance des algues? Parce que dans les forêts, les arbres vont tomber et rester dans le même endroit, mais avec les algues, quand ils meurent, ils peuvent être transportés avec les courants et le vent n'importe où. Donc, là-bas, c'est important d'utiliser les techniques comme utiliser les drones ou les satellites pour répondre à ces questions. Exactement, c'est très intéressant. Puis, dans le cadre de ton doctorat, tu étudies différentes composantes. Donc, on a parlé du substrat, également leur abondance. Donc, à quelle quantité on peut en retrouver dans le Nord? Quelle méthode tu utilises pour ça? C'est également les drones que vous utilisez pour ça? Oui, exactement. Et c'est aussi important parce que dans le futur, avec le changement climatique, comme la chose la plus importante, on va dire, est-ce que cet environnement, cet écosystème a changé? Et c'est important d'avoir ce type de baseline pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a maintenant et comment il va changer ou est-ce qu'il va changer. Et ça, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est important pour les vies des Inuits là-bas aussi. Oui, c'est certain. Puis aussi, d'un point de vue des méthodes que tu utilises dans le cadre de ton doctorat, quelque chose que je trouve vraiment génial, c'est que, dans le fond, c'est des méthodes non-invasives. Tu n'as pas besoin d'aller échantillonner des tonnes et des tonnes d'algues pour les étudier. Tu utilises des technologies de pointe pour prendre des images aériennes, des choses comme ça pour étudier. Donc ça, c'est quand même assez incroyable comme façon d'étudier, moins invasive, là, si je peux dire. Puis ça n'entre pas en compétition avec la source de nourriture des Inuits qui vont collecter ces algues-là pour leur alimentation. Oui, exactement. C'est vraiment un différent type de science qui était fait avant. Parce que maintenant, nous avons cette technologie qui change notre manière de faire notre expérience. Et aussi, quelquefois, quand je fais la collecte, C'est pour identifier c'est quel type des algues qui sont là, pour les peser, c'est quoi la quantité. Avec ça, je peux extrapoler dans le cadre satellital. Mais chaque fois que je fais la récolte, je reviens et puis il y a des aînés qui sont là. Ils prennent les algues, ils donnent les histoires avec ce qu'ils faisaient avec les algues pour les jeunes. Et parce que nous, dans le sud, nous connaissons beaucoup des algues qui vivent dans le sud. Mais là-bas, les aînés connaissent un montant des affaires des algues qui vivent là. Puis là, par sud, tu veux dire ici, dans le fond? Oui, dans le sud. Oui. Pour mettre les auditrices et auditeurs en contexte, nous, chercheurs nordiques, quand on dit le sud, en fait, on parle de la ville de Québec ou de Montréal, parce que pour nous, c'est ça le sud, en fait. Oui, c'est ça. C'est une intéressante manière à diviser la planète. Oui, c'est ça. Des fois, les gens, moi, je suis là, ah, le sud, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, je parle d'ici, je ne parle pas des Caraïbes. C'est vrai, parce que moi, je viens de l'Inde. Et ça, c'est le sud. Mais après travailler dans le Nord, maintenant Québec, c'est le sud. Oui, c'est ça. Ça change les perspectives, ça, c'est sûr. Donc, tu as eu la chance, par exemple, cet été, d'avoir ces grands festins avec des gens de la communauté proche de laquelle tu travaillais. Comment ça se passait, ce genre d'échange-là interculturel? Et je crois que ça, c'était la chose la plus importante de notre recherche, parce que c'est vraiment un mélange des différents types de sagesse. Et parce que nous connaissons beaucoup, mais nous voulons savoir beaucoup plus de ce qui se passe dans le Nord, et les meilleures personnes à nous guider sont vraiment les Inuits. Donc les petites sessions que nous avions où ils séchaient les algues et ils parlaient de comment quel temps de l'année ils font leur récolte, et quelles sont les différentes choses qu'il voit dans les algues qui le dit que, ok, ça c'est un bon algue, ça c'est pas un bon algue. Mais c'est une expérience culturelle que quelquefois nous scientistes n'a pas avec notre sujet de recherche, parce que ouais, c'est la science. Oui, et puis par exemple, comment ils mangent les algues principalement quand tu étais là? C'était quoi les meilleures façons d'apprêter? C'était vraiment sécher les algues et puis tu peux le manger comme des chips. Okay. Et quelquefois, une fois, j'ai pris des saccharinas. Donc, les alaris, ils sèchent. C'est un type des algues. Et okay. Saccharinas, c'est comme les algues de sucre, on va dire. Ça, ils mangent comme des sushis. On prend un peu de riz, un peu de poisson. Ça doit être tellement délicieux. Puis, d'un point de vue de la qualité nutritive, en fait, c'est très riche, ces algues-là. C'est excellent pour la santé. Oui, c'est vraiment excellent pour la santé. Quand nous parlons d'oméga-3 dans les poissons, les oméga-3 viennent des algues. Quand nous parlons de la quantité d'iodine, ça, c'est aussi important. Et il y avait des études qui montraient la relation entre manger les algues et avoir moins instance de cancer. Oui, donc moins de cas de cancer, en fait, moins de chances d'avoir du cancer, le cancer quand on consomme beaucoup d'algues. Oui, surtout au Japon, des cultures comme ça, oui. Mm-hmm. Effectivement, les aliments de la mer qui sont très bons pour la santé, puis les algues étant à la base de la chaîne alimentaire, en fait, produisent ces nutriments-là qui, en fait, ensuite se retrouvent dans l'ensemble de la chaîne alimentaire. On parle beaucoup des poissons, mais on oublie qu'en fait, les algues sont aussi une excellente source d'alimentation qui consomme moins d'énergie là, à la consommation. Donc, exact. Puis, je pense même qu'il y a est-ce qu'il y a des aquacultures de laminaires ou des places qui en produisent, ou c'est pas encore rendu à ce stade-là? C'est plus au stade de compréhension de leur biologie? Je crois que ça dépend des différents endroits du monde. Donc, en Asie, l'aquaculture des algues sont vraiment forts. On trouve les algues plus dans l'aquaculture, mais ici à Chili, en Norvège, la récolte des algues sauvages sont plus connues. Mais je connais que dans le Saint-Laurent aussi, l'équipe d'Éric Damignon travaille un peu avec l'aquaculture, des algues, Marinov aussi, il travaille aussi. Mais il y a aussi Je ne rappelle pas le nom de... Oui, alors c'est, je pense que tu penses à un océan de saveurs. C'est Antoine Nicolas qui, eux, récoltent les oui. algues sauvages pour les faire sécher. Ça s'achète en magasin comme ça. C'est, Et tu peux utiliser comme des épices. C'est vraiment délicieux. Hein, ah ouais. Tu l'ajoutes. Toi, t'aimes ça, donc, manger les algues, les laminaires? Oh, je mange tout le temps. Quand je plonge, quand je marche dans l'Antarctida, là, je mange. Tu jamais vas voir ma tête sans une algue. Alors, tu manges ta science, en fait. Je mange ma science. Non, il y avait quelque chose que tous les doctorants disent, que c'est important de manger ton spécimen d'étude. Donc, c'est important de manger ton espèce d'étude. Pour moi, c'est plus facile, hein, c'est comme des algues, c'est comme les légumes de mer. Mais mm-hmm. des personnes qui étudient les étoiles de mer, ouais, je sais pas trop de ça. Un petit peu plus difficile. J'ai eu souvenir sur la Mountain d'avoir mangé une crevette crue. C'était particulièrement étrange comme expérience. Maintenant, je travaille sur le poisson, c'est un petit peu plus facile d'accès aussi. Ah, la luxe. Ouais. Avec des algues, ça serait vraiment délicieux. Ouais, un bon on mélange. Pourrait faire une collaboration. C'est ça. Donc, en fait, je vais en venir à la plongée sous-marine. Justement, tu me disais manger des algues en plongée sous-marine. Pourrais-tu nous dire un peu comment t'en es venu à utiliser la plongée sous-marine dans la recherche scientifique? Oui, au début, j'ai commencé à plonger en Inde. Et là-bas, c'est les endroits tropicaux, mais j'ai trouvé l'eau un peu trop chaude. Donc, il fallait que je suis allé dans l'Arctique pour trouver l'eau qui était mieux pour mon corps. Mais j'ai étudié les algues dans les États-Unis, mais maintenant, après venir au Québec, j'avais la chance d'intégrer les deux, d'étudier les algues en tant que plongée. Et ici, il y a beaucoup d'opportunités à faire ça. L'équipe de Fanny Noisette travaille dans l'île d'Anticosti pour la télédétection des algues et la croissance des algues. Nous faisons quelques opérations dans le Saint-Laurent, à Rimouski, et nous avons quelques études que nous faisons dans le Nord avec le projet Arctic Kelp, qui est dirigé par Philippe Archambault et Karen Phoebe-Dexter. Mm-hmm. Et donc, j'ai étudié avec... je suis allé à Cambridge Bay avec Camille Lavoie, Amanda Savoie, dans le Canadian Nature Museum. Et Cambridge Bay, qui est au Nunavut. Au Nunavut. Pour placer... les gens qui nous écoutent, qui est vraiment dans le haut arctique, c'est très haut en latitude. Oui. Et l'eau là-bas, c'est pas vraiment connu, comme tu as dit, c'est de l'eau arctique. Et donc c'était impressionnant à être là et avoir cette opportunité de faire la science dans un endroit vraiment pas connu. Et c'était vraiment comme la science ancienne, qui était plus exploratoire, et où on découvrait des choses qui sont étranges. Alors, tu étais là cet été, c'est très récent, oui. Cette plongée à Cambridge Bay ou Nunavut. Oui, et c'était... Je suis allé là pour 10 jours, mais l'équipe, elle était là pour... je crois qu'un mois et demi. Et wow. Ils avaient l'opportunité d'être là. Parce que c'est important dans la science de... Oui, c'est important de voir où sont les algues, mais aussi c'est important de voir qu'est-ce qui se passe avec les algues après un mois et demi. Parce que l'été là-bas, c'est vraiment court. C'est entre 2 ou 3 mois. Donc c'est important à voir comment les algues commencent à vivre et comment les algues meurent. Est-ce qu'ils meurent? Qu'est-ce qu'ils font avec la glace qui existe là? Et s'ils ont besoin de la lumière, il doit être un peu moins profond. Mais si c'est trop moins profond, il y a des glaces partout. Donc... C'est tellement un mystère, en fait. Oh, c'est wow. Étudier une boîte noire qu'on connaît très peu. On est en 2022, puis il y a des écosystèmes qu'on apprend encore à connaître. Exactement. Et je crois qu'avec le changement climatique, l'Arctique sera plus accessible pour plonger parce qu'il y aura moins de glace. Donc, c'est intégral à savoir qu'est-ce qui existe maintenant et comment ça va changer avec du temps. C'est sûr. Puis quand il va maintenant, ça doit être beaucoup d'équipement, en fait. Ça doit être très complexe, une plongée. Une seule plongée doit nécessiter énormément de logistique pour aller en bateau, s'habiller. Oui, et c'est important d'avoir des relations avec des personnes locaux là-bas parce que comme tu as dit, c'est nous avons beaucoup d'équipements, nous avons des bouteilles pressurisées, nous avons il fait froid et quand tu es sur le bateau, il y a le vent partout, il n'y a pas la protection de ça. C'est tellement intense. Et puis tu plonges dans l'eau qui est 0 degré, moins 1 degré, et puis tu sors et l'eau, c'est pas froid. Quand tu sors et tu expériences le vent, ça, c'est froid. C'est la petite ride de bateau après, là, pour retourner à la communauté. Oh my God. Oui, c'est comme plus de... Oui, exactement, c'est glacial. C'est une heure et tout le monde est... Une heure? Une heure, quelquefois. De bateau? Ouais, une heure de bateau. Après avoir plongé dans l'eau glaciale. Oui, donc nous sommes équipés avec notre thermos d'eau chaude, mais... Après, c'est un moment... Tu peux pas faire des complaints. Te plaindre. Non, c'est impossible à faire ça. T'es quand même en Arctique en train de faire de la plongée sous-marine, tout simplement. Exactement. Si tu dis, quand tu es dans l'Arctique, je me sens froid, c'est comme, oui. Ben oui. C'est la vie. La vie de chercheur nordique. C'est ça. Puis pour finir, une dernière question. C'est quoi la chose ou une des choses les plus incroyables que t'as vues en plongée sous-marine en Arctique? Wow! Je vais dire que l'opportunité de plonger avec des phoques, ça, c'était magnifique, magnifique. Ah oui, c'est ça. Parce que c'était après une plongée, quand nous commencions à monter sur la surface, et tout soudain, j'ai vu des boules qui étaient en bas, mais mon partenaire de plongée était déjà sur la surface, donc c'est bizarre, il venait d'où? Et tout de suite, quand je montais sur la surface, il y avait le phoque qui était juste là. Et immédiatement, nous descendions encore, juste pour jouer avec le phoque, parce que c'est vraiment curieux. Quand tu le vois dans des aquariums, il ne bouge pas trop, il ne sent pas trop agile, mais quand tu le vois en nature... Et ils sont partout, ils sont comme des petits chiens qui ont plein d'énergie, dynamique, ils veulent jouer avec toi. Et dans le même temps, il y a des méduses, les ctinophores qui sont partout, qui sont un type de méduses. Il y a des théropodes qui sont comme les papillons gélatineuses par des millions et des millions qui sont... Donc c'est vraiment une expérience un peu magique et c'est un peu humbling aussi. C'est quoi le mot pour humbling? Ça nous rend humble. On se sent petit. Oui, c'est ça. Dans cette immensité arctique, cette magie naturelle. Parce que aussi, tu sens que tu n'es pas confortable en voyant qu'il y a beaucoup des autres animaux qui sont là, qui sont vraiment dans leur région. Adaptés à cette température. Oui, donc c'est une belle expérience à avoir. Et je sais que dans les années prochaines, nous aurons bien plus de ce type d'expérience. Absolument. Ça donne vraiment le goût d'aller plonger en Arctique, en tout cas, ce que tu nous dis. Alors, je vais continuer à poursuivre. Commence. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Kashif, de t'être joint à nous. Kashif, qui est doctorant en biologie à l'Université Laval, merci de ta présence. Merci, Marianne, et j'ai hâte de voir comment tous les prochains interviews passent. Oui, alors on a un créneau nordique qui s'entame, alors on va avoir d'autres entrevues comme ça avec des chercheurs qui travaillent et des chercheuses qui travaillent dans différentes sphères de la recherche nordique, de la biologie aux sciences sociales, à l'anthropologie, à l'économie, alors restez à l'affût. Et nous, ici, on va faire une petite pause sur CKRL 89.1, mais restez avec nous. Au retour, nous allons recevoir l'astrophysicien Jean-René Roy pour nous parler des exoplanètes.